C'est la chronique des castors de Dolbeau avec notre ami Robin Bouliane. Salut Robin! Salut Danny! Robin, je vais te souhaiter une bonne année en passant, beaucoup de santé et de bonheur avec ton équipe et également. Et vous avez déjà commencé, hein? Vous avez joué la semaine passée? Oui, on a joué la semaine passée, oui. OK. Et ça s'est soldé par une défaite de 6-2 contre les Marquis de Jonquière. C'est quand même une puissance, les Marquis, dans la ligue. Oui, les Marquis, une bonne équipe là, des bons vétérans, bien balancés, autant défensifs qu'en offensive. Ça a été serré en première période. En deuxième période, on a sorti moins fort, ce qui a fait en sorte qu'ils nous ont. C'est là qu'ils nous ont sorti du match un peu après deux périodes. OK. J'imagine que c'est quoi? C'est le manque de profondeur qui vous fait mal ou. C'est vrai que c'est plus l'expérience. Okay. Écoute, c'est sûr que ça fait mal. C'est sûr que si on regarde la colonne des victoires, on n'a pas beaucoup de victoires, mais je pense qu'on progresse quand même en tant qu'équipe. Là. On a une meilleure équipe qu'on l'était en début de saison. Puis je pense on a joué avant les fêtes contre des équipes comme Saint-Lucien qu'on a perdu en prolongation que 5-4, alors que c'est un match qu'on aurait pu gagner aussi. Donc je vois les belles choses qui s'en viennent. Puis l'objectif en début d'année, ben ce qu'on avait dit, c'est qu'on veut se préparer pour les séries. On veut profiter de la saison et des tournois qu'on a pour être prêt pour les séries. Puis on s'en va vers la bonne voie. Là. OK. Dans l'ensemble, le moral est quand même pas si pire, là, malgré l'affiche qui est difficile. Absolument. Oui, non, l'ambiance est très bonne. Puis ça, il faut absolument garder ça de même si on veut être prêt pour les séries. OK. J'imagine que... les tournois également, on prend ça comme préparation aussi en vue des séries éliminatoires aussi, même si on se prépare pas de la même façon. Là. Absolument. Puis je pense qu'on a un tournoi à Beauport qui s'en vient dans deux semaines, fin du mois. Okay. Et on sait que ça va être bon, je pense, pour notre confiance aussi. Parce que, comme je disais tantôt, on joue des bons matchs qui ne se transforment pas toujours en victoire. Okay. Par contre, le calibre, je pense que dans les autres régions, est moins fort. Notre ligue est très forte. Donc, ça va être bon pour notre confiance, pour nous préparer pour les séries. Ah oui, OK. Donc, en fin de semaine, maintenant, vous allez affronter le National de la Baie à la Baie. C'est donc un match et vous allez jouer contre les Orioles de Jonquière. Je pense qu'au moins, les Nationales de la Baie, c'est prenable comme équipe, là. Oui, absolument. C'est une équipe qui va se comparer à nous autres. Donc, si on joue bien collectivement pendant trois périodes, je pense qu'on a des chances de se sauver avec la victoire. OK. Et contre les Orioles de Jonquière? Dimanche. Oui, c'est ça. C'est deux matchs qu'on était supposé jouer en fin de semaine passée qui ont été... Ah oui, c'est vrai. ...la température. OK. En plein ça. C'est sûr que les Orioles, meilleure équipe, beaucoup plus de vétérans. Mais encore une fois, si tout le monde se présente et on joue bien, autant offensivement que défensivement, on peut causer une surprise. OK. Évidemment, du côté des Orioles de Jonquière, c'est une... qu'est-ce qu'il faut surveiller? J'imagine qu'il faut surveiller Mathieu Larouche, Lantaigne également. C'est des bons joueurs, ça? Une bonne attaque. Ouais, hein. Une bonne attaque, bonne défensive. Je pense que dans les buts, si on lance au but et on charge le filet, je pense qu'on est en mesure de... C'est un peu là leur faiblesse, je te dirais. Donc, il faut en profiter de ça. OK. Ben, Robert, on s'en parle jeudi prochain pour la chronique des Castors. Parfait, Danny. Voilà, c'était le chef des Castors de Dolbeau, Robin Bouliard.